Les commémorations du jour de décès du général Kim Jong-il se sont tenues le 17 dans toutes les provinces, villes, arrondissements et complexes, en présence des cadres des organismes du parti, du pouvoir, des organisations des travailleurs, des usines et entreprises, des fermes et grandes écoles locaux, ainsi que des habitants, des jeunes et étudiants. Les participants ont tout d'abord gardé un moment de silence à la mémoire du général. Ensuite, les participants ont écouté les discours. Les orateurs ont qualifié le général Kim Jong-il de grand révolutionnaire et homme politique sans égal, qui s'est entièrement sacrifié pour réaliser sur tous les plans les idées et causes du président Kim Il-sung au cours de sa direction de la révolution, et a invité tous à s'unir fermement autour du maréchal Kim Jong-un, à faire honneur à jamais à la vie révolutionnaire et aux exploits du général, et parachever l'œuvre révolutionnaire Tsu Tse.